quoi qu'il arrive, elle n'y peut rien. Elle comprend pas qu'on puisse se sentir aussi seul. Elle retrace sa vie chaque soir jusqu'au matin. Elle se fout de tout ce qui l'entoure. Que peut-elle faire de plus avec une amie qui ne la connaît pas? Une famille qui s'entoure, sa vie part en éclats. Il se rend compte que tout ne s'arrête pas à ça. Il fantasme sur une jeunesse qu'il a perdue. Il s'affirme, il fume, il envoie chez sa femme. Pourquoi pas sa fille s'en va? Que peut-il dire de trop? Personne ne l'écoute, personne ne le voit. Sa nouvelle vie l'entoure dans un monde qu'il ne connaît pas. Que peut-il dire de trop? Personne ne l'écoute, personne ne le voit. Sa nouvelle vie l'entoure dans un monde qu'il ne connaît pas. Elle mère de famille, qu'elle voit plutôt comme un équilibre. Tout se ressemble, mais elle s'en fout, elle aime ça. Un amant, elle dit pas non, mais elle se rend victime d'un mariage qui a gâché sa vie. Complètement hystérique, elle chante, elle pleure, crie, où est son âme? Maniaque et dépressive, comme tous ceux qu'elle déteste. Mais bien sûr, il y a la fille la plus ordinaire. Trop sensé pour être à sa place. Et son père qui le bat ne s'acceptant pas. Que peux-tu faire alors devant un monde qui ne s'écoute pas? Aujourd'hui c'est le premier jour du rêve.